The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Match. Le match. Traffic jams. Les bouchons. Team. L'équipe. Player. Le joueur. Recovered. Rétabli. Almost. Do something. Faillir. Goal. Le but. Foul. La faute. Indirect free kick. Le coup franc. Referee. L'arbitre. Yellow card. Le carton jaune. Coach. L'entraîneur. Substitution. Le remplaçant. Forward. L'attaquant. Defender. Le défenseur. Goalie. Le gardien. To score. Marquer. Now, a bit faster. Indirect free kick. Le coup franc. Almost. Do something. Faillir. Indirect free kick. Le coup franc. Referee. L'arbitre. Match. Le match. Traffic jams. Les bouchons. Indirect free kick. Le coup franc. Referee. L'arbitre. Traffic jams. Les bouchons. Almost. Do something. Faillir. Player. Le joueur. Foul. La faute. Defender. Le défenseur. Almost. Do something. Faillir. Substitution. Le remplaçant. Foul. La faute. Substitution. Le remplaçant. Referee. L'arbitre. Almost. Do something. Faillir. Referee. L'arbitre. Goalie. Le gardien. To score. Marquer. Almost. Do something. Faillir. To score. Marquer. Indirect free kick. Le coup franc. Match. Le match. Defender. Le défenseur. Goalie. Le gardien. Indirect free kick. Le coup franc. Team. L'équipe. Goal. Le but. Match. Le match. Team. L'équipe. Indirect free kick. Le coup franc. Referee. L'arbitre. Coach. L'entraîneur. Now, use the words in context. Faillir. The basketball team that I've been a fan of for years almost won the championship. L'équipe de basket que je supporte depuis des années a failli remporter le championnat. L'entraîneur. My dream is to one day be able to coach that team and lead it to victory. Je rêve de pouvoir un jour devenir entraîneur de cette équipe et de la mener jusqu'à la victoire. Rétabli. The athlete did everything he could to recover in time for the Olympic Games. Ce sportif a fait tout ce qui était en son pouvoir pour être rétabli pour les Jeux Olympiques. Le remplaçant. That team is out of substitutes. Cette équipe n'a plus de remplaçant. L'arbitre. They should have chosen a better umpire for such an important match. Pour un match aussi important, ils auraient pu choisir un meilleur arbitre. Faillir. The basketball team that I've been a fan of for years almost won the championship.